sono aia, bitch sono aia, mette le mani nel mio Calvin Klein, poppy all night, alla tua bitch piace la vibe, siamo alieni, non riesco a stare in piedi, gravito senza pensieri, vetro tinto non mi vedi, non parlare con me, sei solo un altro cliente, ma è pass salva gente, senza loro mangi niente, parli di cash, di bitch, di LinkedIn, sì anche la tua vita è un film, rimani nel tuo ancora a scroccare fiti, salto, Johnson sempre più in alto, del resto socio frega un cazzo, della tua tipa frega un cazzo, della tua vita proprio un cazzo. Dis-moi merci, je suis ton patron. Pourquoi le noir serait mauvais et le blanc serait bon? Je suis le futur, tu le sais, mon HLM. Je les observe et mon mojo est au RDV. Même quand je suis dans la mer, obéis. Je suis ton boss, ton avenir est dans ma poche. Tu veux briller comme une étoile, tu ne brilleras pas plus qu'une torche. Donc assez-toi, je te l'ordonne. Ils en demandent quand je veux, j'en donne. Travaille pour mon héritage, c'est la crise quand je me fâche. Je suis le seul. J'suis le seul, putain de blague, c'est des snares. J'suis le seul, putain de blague, c'est des snares. J'suis sur la relâche, j'ai la pression, mes muscles sont relâchés. Oh, eh. Dans ce jeu, j'suis revancheur. Oh, oh. J'suis dans la ville, j'suis Géchard. Sur le rang, sur bête de santé, elle restera avec mon écharpe. Oh. Tu croises mon lobby, tu colles, ça pue la peau. Je croise ton regard, je sais que tu veux voir pas ma ligne. Oh, t'es mon cas, ça t'as pas les blocs, tu veux les nôtres. Tu veux te lancer dans le jeu pour faire partie des miens. Dégage. Oh, je l'aime pas ce phala, je le fous masse. Tu arriveras pas sans faire la faguette. Autour de toi que des fougasses. J'aime pas ce phala, je le fous masse. Tu arriveras pas sans faire la faguette. Autour de toi que des fougasses. Alors, malheur à celui qui pop seul, obscur, pop star, tu meurs seul. Osez ensuite demander rien à personne. Ah, mon fuck, ta terre sainte, Pulp Fiction et j'en teste 5. Je me mets à parler devant les siens. Je suis du lin, comme en plein mais trois dans zen. J'suis comme un backpack, j'ridais. J'suis comme Raiden, drugstore. On fume pas ton plastoc. J'suis comme un messie, nous remercie pas, on s'en fait. On veut juste que tu le saches. C'est pas sage avec la York. J'pars un maille, un rang de l'ail en maillot. Et son manou, j'la baise en camo. Dans un bulti, la peau sur fruitière. On est productif et on te cultive.